Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où une fois n'est pas coutume aujourd'hui, je fais une spéciale. Je suis ravie d'accueillir les élèves de 3e 5 du collège Jean Moulin. Donc autour de moi, j'ai Jana. Bonjour Jana. Bonjour. Bonjour Estelle. Bonjour. Ruben. Bonjour. Et Antoine. Bonjour. Qui sont accompagnés par leur professeur principal, Cyril Castagnier. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'inauguration qui va se dérouler le vendredi 6 mai dans les locaux du collège. Et je souhaitais faire cette intervention pour que ces élèves nous expliquent un petit peu comment ça se passait. Donc, le format de l'émission va rester sensiblement le même. On est autour de 5 questions qui vont être exclusivement dédiées donc, au travail que vous avez pu faire. Et après, on fera ce qu'on appelle le caprice de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ok, alors on commence. Première question, comment est né le projet des 50 ans de votre collège ? Au collège, il y a 4 ans, un personnel de l'établissement a eu l'idée de peindre une fresque sur le mur du collège. Mm-hmm. Et donc, pour diverses raisons, le projet n'a pas pu se mener à bien. D'accord. Et donc, notre professeur principal, M. Castagnier, a eu l'idée de poursuivre ce projet. Et donc, nous avons immédiatement adhéré au projet. Tout de suite, une organisation s'est mise en place sur qui fait quoi. Nous, la classe de 3e 5, avons été désignés comme la classe pilote. Et dès que nous avons eu l'autorisation officielle du principal, c'était parti, le projet était lancé. Donc, vous devez être super fier d'être classe pilote. Ah bah oui. Ah, c'est bien ça, c'est chouette. Deuxième question, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs les temps forts donc, de cet anniversaire qui va se dérouler, je crois, le 6 mai ? Comme l'a dit avant moi Antoine, les élèves ont tout de suite été mis à contribution. Les élèves de notre classe, la classe de 3e 5, la classe pilote, ont tourné dans toutes les classes du collège pour informer du projet qui se préparait et pour faire un appel aux volontaires. Nous avons ensuite, pendant de longues heures avec notre professeur d'art plastique, fait des recherches plastiques pour déterminer le dessin final qui ornerait la fresque. Nous avons également eu la chance d'avoir la visite de l'artiste graffeur qui a peint la fresque. Il nous a proposé une séance d'initiation au tag. Les élèves ont pu s'exercer sur les bancs du collège. D'accord. De simples blocs de béton, ouais, que nous avons repeints à la bombe aérosol. Mais il y a également eu un gros travail de recherche à propos des archives du collège, que ce soit des articles de journaux, des photos de classe, etc. Chacun a fait fonctionner son réseau, ses voisins, sa famille, ses amis. Toutes ces archives ont été réunies sur des cadres qui seront exposés le jour de l'inauguration, ce vendredi 6 mai, jour de la diffusion de l'émission. 2 semaines après la réalisation de la fresque, qui a été terminée la première semaine des vacances par l'artiste graffeur et les élèves, qui ont également pu participer à la réalisation même de la fresque. D'accord. Par la peinture. Et c'était qui cet artiste graffeur ? On peut avoir son nom ? Il faisait partie de l'association Spraylab, qui est une association ancienne de tags et de peintures murales. D'accord. Donc du coup, ça vous change un peu du quotidien, quelque part, de vos journées de cours qui sont rythmées. C'est sympa, du coup, c'est quelque chose d'assez original. Comment vous l'avez vécu, ça ? Oui, et puis on a découvert un nouveau monde. C'est un monde qu'on ne connaissait pas, la peinture, l'art, le street art. Recherche aussi, oui, peut-être aussi. La recherche d'archives. Ouais. Comme je le disais, chacun a fait fonctionner son réseau. Donc ça nous a permis de découvrir des choses à propos de notre collège qu'on ne savait pas forcément, des professeurs, des projets qui ont été menés. Ok. Alors on va se retrouver juste après une coupure musicale. écoutez Fadjet. C'est plus qu'une radio. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans cette émission spéciale Caprice de lecture qui est dédiée exclusivement à Jean Moulin et plutôt au collège qui porte son nom, où je suis entourée de quatre élèves de la 3e 5 qui étaient la classe pilote pour mener à bien ce projet d'inauguration. Est-ce que ça va toujours ? Oui. Alors on passe tout de suite à la troisième question. Comment avez-vous organisé vos recherches ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes inspiré d'Internet, d'archives ? Est-ce que vous avez des professeurs qui étaient là ou qui ont quitté depuis peu l'établissement, qui sont un petit peu la mémoire vivante du collège ? Comment ça s'est passé un peu ? Alors, les recherches ont été effectuées individuellement par chacun des élèves de notre classe. Nous avons travaillé en autonomie en devant trouver par nos propres moyens des archives concernant Jean Moulin et le collège. Donc, principalement des photos de classe et des articles de journaux. Nous avons de nombreux professeurs qui se sont investis dans le projet, notamment ceux et celles ayant eu de longues années d'expérience au collège, pouvant ainsi apporter des témoignages et des idées pour le projet. Super. Alors, est-ce qu'il y avait des petites choses insolites dans ce que vous avez recherché ? Est-ce qu'il y a des photos ou des images qui vous ont marqué de l'époque ? Comment ça s'est passé ? Oui, enfin, souvent, c'est les anciennes photos de classe des professeurs du collège. Ah oui, c'est vintage, quoi. Oui. Peu. Quatrième question, est-ce que certaines lectures dans vos recherches vous ont inspiré pour découvrir des auteurs que vous, alors peut-être des auteurs plutôt anciens ou plutôt découvert des auteurs plus contemporains ? Alors oui, totalement. Grâce à ce projet, toute la classe elle a eu l'honneur de rencontrer Bertrand Munier. Donc c'est grâce au projet qu'il a pu venir et il nous a présenté sa bande dessinée Vive la République. Et donc c'est une bande dessinée qui va retracer toute la vie des présidents qui ont gouverné en France. Donc cette BD, elle a beaucoup de rapport avec ce qu'on fait, c'est-à-dire que ça parle vraiment de la République et donc ça peut vraiment se rejoindre au projet. Et donc ça a été très intéressant de le rencontrer. Et donc personnellement, je le connaissais pas, donc ça m'a permis j'ai eu la chance de le rencontrer, de lui parler. On a échangé avec lui et donc grâce à ses recherches sur Jean Moulin, on a eu la chance, grâce à cette idée de fresque, de le rencontrer. Donc super, Bertrand Munier d'ailleurs qui était venu dans Caprice de lecture faire une émission aussi pour présenter sa BD Vive la République et je comprends que ça vous ait inspiré parce que c'est Bertrand Munier c'est une bible en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. On va faire une autre pause musicale et on revient pour la dernière question. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Don't cry. Boy, Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours en compagnie des élèves de la 3e 5 du collège Jean Moulin et de leur professeur principal Cyril Castagnier, qui nous ont parlé donc de l'inauguration qui va avoir lieu ce vendredi 6 mai à partir de 15h dans les locaux du collège. Donc avant de passer à la dernière question, j'aurais souhaité poser une question à votre professeur principal. Cyril, déjà que je remercie d'avoir pu organiser cette rencontre avec ses quatre élèves. Et puis, je voulais aussi avoir l'avis d'un professeur très engagé dans ce projet, d'un professeur engagé tout court. Alors, ma question, Cyril, est très simple. Comment tu fais pour les motiver comme ça? Je pense que je n'ai pas trop à forcer parce que, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, en tant qu'enseignant, notre matière première à nous, ce sont les élèves. Et donc, à partir du moment où on apprécie travailler avec des élèves qui nous remettent en question au quotidien parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils sont force de proposition, parce que voilà, ils vivent dans une autre temporalité qui est la nôtre en tant qu'adultes. Ils sont adolescents, sont des adultes en train de se construire tout doucement. C'est donc, nos adultes de demain, quoi. Et ce sont les adultes de demain, et ce sont les adultes de demain que l'on souhaite éclairer et qui vont, je l'espère, poursuivre le travail que nous, on aura eu la chance de faire à leur côté. Et l'idée est toute simple, l'idée est d'aller solliciter un petit peu leur motivation personnelle, leur centre d'intérêt, leur loisir, leur désir d'évasion, leur désir de création. Et en fait, le projet, comme tout autre projet, parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de projet plus valeureux que d'autres, le projet que l'on va mettre à l'honneur dans son aboutissement le 6 mai prochain, permet de centraliser en fait toutes ces valeurs humaines, humanistes je dirais, parce que aujourd'hui dans une société qui est un petit peu difficile, très individualiste, les gens ont tendance à se recroqueviller un petit peu, l'idée c'était de dire ben oui, nous ici au collège Jean Moulin, on aime travailler ensemble. D'ailleurs, ça a été cette idée-là qui a été retenue pour trouver le titre de ce projet, qui est Jean Moulin, ensemble, dessinons nos valeurs. Donc, les élèves en ont très bien parlé. L'aboutissement, c'est effectivement la réalisation d'une fresque sur l'un des murs du collège, à l'entrée du collège. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est de se dire en tant qu'adulte que si les élèves n'étaient pas là au quotidien, dans leurs différences et dans le respect des axes de travail, des axes de réflexion que l'on peut leur donner pour qu'ils puissent grandir petit à petit, on ne pourrait pas conduire des projets comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont partir, ce sont des élèves de 3e, oui. Ils vont nous quitter au bout de 4 ans. Alors effectivement, on leur souhaite bonne route, on leur souhaite une belle réussite, mais surtout, on leur souhaite aussi de revenir de temps en temps au collège pour justement voir comment va vieillir ce projet qui trouve son aboutissement par une fresque. Et j'espère qu'il va vieillir de la plus belle des façons. Merci beaucoup Cyril, c'était super chouette. On va passer à la dernière question tout de suite. Alors la dernière question, est-ce que vous avez, vous, d'autres projets dans votre vie personnelle ou peut-être dans votre vie de lycéen hein, qui va arriver très bientôt, des projets comme ça qui vous tiendraient à cœur de mener à terme ou est-ce que vous avez déjà quelques idées? Alors oui, à l'avenir, je trouve ça intéressant qu'on soit amené à réfléchir à un nouveau projet. Donc là, c'est un très bel exemple, c'est un super exemple. On est amené à réfléchir sur une fresque et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et on pourrait peut-être, moi je pars à Varoco l'année prochaine, donc peut-être que je vais être amené à faire un projet de ce type à Varoco, c'est-à-dire faire une fresque sur ce personnage-là. Mm-hmm. Et donc là, ce projet, il peut peut-être nous amener tous à réfléchir plus tard sur d'autres projets. C'est-à-dire que peut-être que sans ce projet, j'aurais personnellement pas vraiment eu un investissement pareil dans ma vie future. C'est ta première expérience, en fait. Oui, c'est ça. On t'a permis d'avoir cette première expérience. Oui, et c'est pour ça que je suis vraiment très contente de l'avoir faite. Bon. Et vous, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez faire d'autres projets comme ça l'année prochaine ou sur les années futures? Moi, personnellement, c'est la fin de... J'arrive bientôt à la fin de ma vie au collège, mais je doute pas de l'investissement des professeurs qui sont encore au collège, qui vont encore proposer de nouvelles idées toujours aux élèves et les élèves aussi vont forcément proposer des idées, des initiatives. À l'école, il y a par exemple le CVC où il y a plein d'idées qui arrivent et qui... C'est en ébullition. C'est un bel au revoir, je trouve, à la vie de collégien. C'est pas un adieu, c'est un bel au revoir. Et puis, ça permet d'ouvrir d'autres portes vers d'autres horizons. Je trouve ça vraiment beau. On va faire une dernière coupure musicale et on reviendra avec le caprice de la semaine. Señorita, ma cosa nostra, se le feu c'est toujours l'envie de toi. Je te suivrai de Madrid à Barcelona. Viens de l'Eli, viens avec moi qu'on s'en aille. Pieds nus dans le sable, danser toute la nuit près de moi, mon cœur te réclame. En chair et en âme, Dieu créa la femme. Dans ma destinée, enfin tu apparais. Tu es ma señorita. Señorita. Señorita. De lecture sur Fadjet. Donc, nous allons avoir la présentation du caprice des lectures par Jana, qui est donc élève de la classe de 3e 5 du collège Jean Moulin. Jana, qu'est-ce que tu souhaitais nous présenter ? Donc, j'aimerais vous présenter un livre qui s'intitule « Pour un jour de plus » de Mitch Albom, qui a été publié en 2006. Donc, ça raconte l'histoire d'un ancien joueur de baseball qui tente de se suicider après une vie l'ayant déçu. Mais quand il est sur le point de se suicider, de mettre un terme à sa vie, il voit sa mère, mais sa mère, elle est décédée il y a 8 ans. Donc il est totalement choqué de voir sa mère. Et donc l'histoire, elle parle de cette rencontre entre un fils et sa mère qui n'ont jamais eu l'occasion de parler de leurs sentiments. Donc ils vont revenir sur ses erreurs de jeunesse et c'est de ça dont le livre parle. Et donc je le conseille parce qu'il est vraiment touchant, il est bien écrit et on est vraiment plongé dans une atmosphère assez étrange. Elle est remplie de nostalgie parce que le personnage principal nous raconte des anecdotes au fur et à mesure sur son enfance et c'est assez triste, mais c'est un très très beau livre. D'accord. Donc à retenir, c'est le livre de Mitch Albom, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Cette émission de Caprice de lecture s'achève. Vous la retrouverez en podcast sur www.fadjet.net. Vous la retrouverez en diffusion au collège Jean Moulin lors de l'inauguration Jean Moulin, qui se déroule le vendredi 6 mai à partir de 15h. Et vous la retrouverez bien évidemment sur le site Caprice de lecture, www.capricedelecture.fr. Je vous souhaite de très belles lectures. Merci à ces jeunes collégiens très prometteurs. Merci à Cyril Castagnier, leur professeur principal, d'avoir bien voulu venir et d'avoir choisi l'émission Caprice de lecture pour cette très belle promotion. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.